Chapitre 5e. L'ancre ne fut pas plus tôt jetée qu'un détachement des gardes de Minos se rendit sur le rivage et se fit livrer les 14 jeunes gens. Le prince Thésée et ses compagnons d'infortune, entourés de soldats armés, furent conduits au palais du roi et amenés en sa présence. C'était un souverain à l'aspect dur et impitoyable. Si le gardien de l'île de Crète était fait de bronze, le monarque pouvait passer pour avoir un cœur d'un métal plus dur. C'était bien véritablement un homme de fer. Il abaissa sur les victimes ses sourcils épais et hérissés. Tout autre mortel, à la vue de tant de grâce, de beauté et d'innocence, se fût empressé de rendre à ces pauvres âmes sacrifiées le bonheur avec la liberté. Mais ce despote implacable n'avait qu'un souci, c'était de constater si les malheureux pourraient offrir au Minotaure une nourriture appétissante. Quant à moi, j'aurais donné quelque chose pour le voir dévorer lui tout seul, et le monstre eût sans doute trouvé sa chair bien coriace. Le roi fit approcher, les uns après les autres, les jeunes hommes terrifiés et les jeunes filles éplorées, toucha chacun d'eux du bout de son sceptre pour s'assurer de leur embonpoint, et les renvoya en faisant un signe à ses gardes. Le tour de Thésée était venu. Il le regarda plus attentivement, car il avait remarqué dans les traits de ce dernier une expression de calme et de bravoure. « Jeune homme, lui demanda-t-il d'un ton sévère, n'es-tu pas effrayé à l'idée d'être dévoré par le Minotaure ? J'ai offert ma vie en sacrifice pour une bonne cause. Voilà pourquoi je la donne sans hésitation et sans terreur. Mais toi, roi Minos, n'as-tu pas horreur de ta propre cruauté, toi qui livres chaque année 14 innocents à la voracité d'une bête féroce ? Ne trembles-tu pas, prince pervers, quand tu descends au fond de ta conscience ? Pendant que tu es là, assis sur ton trône d'or et revêtu des insignes de la majesté, je te le dis en face, roi Minos, tu me parais un monstre plus hideux que le Minotaure lui-même. Ah ah, c'est ainsi que tu me considères ? S'écria le tyran en riant d'un rire de hyène qui lui était naturel. Demain, à l'heure du déjeuner, tu auras l'occasion de vérifier la justesse de ta comparaison. Garde, emmenez-les, et que ce téméraire ouvre l'appétit du Minotaure. Je n'avais pas eu le temps de vous dire que près du trône se tenait debout Ariane, la fille du terrible monarque. C'était une princesse d'une grande beauté, d'une âme tendre et aimante. Aussi contemplait-elle ses pauvres captifs voués au supplice avec un sentiment bien différent de celui de son père, qui montrait un cœur doublé de fer. Elle ne pouvait retenir ses larmes en pensant combien d'espérance et de charme allaient être inutilement détruits. Tant de beauté, de jeunesse, de force, devenir la proie d'une abominable créature qui eût sans nul doute de beaucoup préféré manger un bœuf ou un porc engraissé plutôt que le plus délicat et le plus potelé de ces êtres humains. À la vue de Thésée, dont la figure noble et décidée exprimait le mépris d'un danger imminent, sa compassion devint 100 fois plus grande. Au moment où les gardes entraînèrent le héros, elle se jeta aux pieds de son père, le suppliant de donner la liberté à tous les captifs et plus particulièrement à ce jeune homme. « Silence, folle que tu es !» lui répondit-il. « Qu'as-tu besoin de te mêler d'une pareille affaire ? C'est un acte de haute politique et par conséquent tout à fait au-dessus de ta faible intelligence. Va donc arroser tes fleurs et ne songe plus à ces misérables Athéniens. Le Minotaure est aussi sûr de les dévorer demain à son déjeuner que moi de manger ce soir une perdrix à mon souper. » En prononçant ces mots, le roi prit un air de cruauté si sauvage qu'on eût cru capable de dévorer Thésée et le reste de ses compagnons si une bête féroce n'eût été là pour lui en éviter la peine. Comme il ne voulut pas entendre un seul mot de plus en leur faveur, les prisonniers furent emmenés et plongés dans un cachot dont le geôlier les avertit de se livrer au sommeil au plus vite, car le Minotaure avait l'habitude de demander son déjeuner de bon matin. Les 7 jeunes filles et 6 des jeunes garçons, épuisés par la douleur et les sanglots, tombèrent bientôt endormis. Thésée seul resta debout. Se sentant supérieur à eux en courage et en force, c'était pour lui un devoir de protéger leur vie, d'une manière ou d'une autre, de les défendre, et de les sauver à tout prix. Aussi se tint-il éveillé pendant la nuit entière, marchant en tous sens dans la prison où ils étaient enfermés. Un peu avant minuit, la porte s'ouvrit lentement et la gracieuse Ariane apparut, une torche à la main. « Êtes-vous éveillé, prince Thésée ? » murmura-t-elle. « Oui, » répondit-il. « Quand il me reste si peu de temps à vivre, je ne veux pas le perdre à dormir. Eh bien, suivez-moi et marchez doucement. » Ce qu'étaient devenus les geôliers et les gardes, Thésée ne le sut jamais. Quoi qu'il en fût, Ariane ouvrit toutes les portes et Thésée respira bientôt dans une atmosphère pure et libre où resplendissait un magnifique clair de lune. Thésée, vous pouvez maintenant rejoindre votre vaisseau et reprendre le chemin d'Athènes. Je n'en ferai rien, assurément. Je ne veux m'éloigner de la Crète qu'après avoir abattu le Minotaure, sauvé mes compagnons d'infortune et délivré mon pays de cette horrible tribu. Je prévoyais votre résolution, dit Ariane. Venez alors, venez avec moi, valeureux Thésée. Voici votre glaive, dont vous ont dépouillé les gardes. Vous en aurez besoin. Priez les dieux de diriger vos coups. Elle le mena par la main jusqu'à un bois ténébreux, où les rayons de la lune se perdaient sur le sommet des arbres sans pénétrer à travers leur feuillage et sans éclairer les sentiers de la moindre lueur. Après avoir marché quelque temps au milieu de cette obscurité, ils se trouvèrent au pied d'un grand mur de marbre tout hérissé de plantes grimpantes. On n'y apercevait aucune porte ni aucune espèce d'ouverture. C'était une construction escarpée, solide et mystérieuse, impossible de la franchir ou de pénétrer au travers. Néanmoins, Ariane n'eut qu'à presser d'un de ses doigts délicats un certain bloc de marbre, aussi massif en apparence que le reste de la muraille. À son contact, cette enceinte s'entr'ouvrit assez pour les laisser passer tous les deux, et aussitôt le bloc retomba à sa place en remplissant entièrement le vide. « Nous voici maintenant, dit Ariane, dans le fameux labyrinthe que construisit Dédale, avant de se fabriquer une paire d'ailes et de s'envoler de notre île, comme un oiseau. Ce Dédale était un très habile artiste, mais de toutes les œuvres de son génie, ce labyrinthe est la plus surprenante. Nous n'aurions qu'à avancer de quelques pas, et nous pourrions errer toute notre vie sans retrouver notre chemin. Au milieu se tient le Minotaure, et c'est là, Thésée, qu'il vous faut aller le rencontrer. Mais comment me sera-t-il possible de le trouver s'il est si facile de s'égarer ? Il fut interrompu par un bruit sourd, assez semblable au mugissement d'un taureau, mais qui cependant avait quelque rapport avec la voix humaine. Thésée crut distinguer dans la vibration de cette voix sauvage l'effort fait par un monstre pour articuler quelques paroles. La distance était, il est vrai, assez grande pour qu'il ne puisse assurer si c'était un rugissement de taureau ou les accents d'une voix humaine. « C'est le cri du Minotaure, » dit tout bas Ariane en serrant convulsivement la main de son protégé et en portant la sienne sur son cœur qui battait d'effroi. « Laissez-vous guider par cette voix, en suivant les détours du labyrinthe, et dans peu vous trouverez le monstre. « Attendez, prenez un bout de ce peloton de soie. J'en tiendrai l'autre dans ma main, et alors, si vous triomphez, le fil vous ramènera près de moi. Adieu, valeureux Thésée. » Le jeune héros prit l'extrémité du fil de soie dans sa main gauche, dans la droite son glaive à poignée d'or tiré du fourreau, et il s'avança avec intrépidité dans les mystérieux détours. Quel était le plan de ces voies entrelacées les unes dans les autres? C'est ce que je ne saurais dire. On n'a jamais vu, et l'on ne verra jamais dans le monde, un travail d'une combinaison aussi embrouillée. Il ne peut rien y avoir d'aussi compliqué, si ce n'est le cerveau de Dédale lui-même, qui en est l'auteur, ou le cœur d'un homme ordinaire, création dont le mystère est 10 fois plus inexplicable encore que le labyrinthe de l'île de Crète. Thésée n'avait pas fait 5 pas qu'il avait déjà perdu Ariane de vue. À peine en eut-il fait 5 autres qu'il se sentit tout étourdi à force de tourner. Il continua à marcher, tantôt rampant sous une voûte basse, tantôt ayant à franchir des degrés, parfois rencontrant un passage tortueux, et puis un autre, dont les sinuosités le menaient devant une porte ouverte qui se refermait immédiatement sur lui. Il semblait que les murs se déroulassent comme le fil échappé d'un fuseau, en l'enveloppant dans leurs ondulations capricieuses. Et tout en suivant ces défilés déserts, il ne cessait d'entendre les cris du Minotaure, tantôt près de l'endroit où il se trouvait, tantôt à une plus grande distance, retentissement horrible, discordant, mélange effrayant du beuglement d'un taureau et de la voix d'un homme, sans ressembler toutefois ni à l'un ni à l'autre. À mesure que Thésée marchait, il sentait son cœur en proie à la tristesse et à la colère, car, dans sa pensée, l'existence d'un pareil monstre était une insulte à la lune, au ciel, et à notre mère commune, la terre, si prodigue envers nous dans sa bonté et sa bienfaisance. Il s'avançait toujours. Tout d'un coup, les nuages s'amoncelèrent devant l'astre de la nuit, et le labyrinthe devint tellement sombre que notre hardi voyageur n'avait plus conscience de sa marche sans foi égarée. Il se fût souvent cru perdu, sans espoir de jamais retrouver son chemin, s'il n'eût senti à certains petits mouvements imprimés au fil par la main de la tendre Ariane qu'une tendre sympathie veillait sur elle. Elle lui communiquait ainsi ses sentiments de crainte et d'espérance, comme s'il eût été à ses côtés. « Oh, je puis vous assurer que d'une main à l'autre, se transmettait un vif courant d'affection humaine le long de ce faible fil de soie. Thésée poursuivait fermement sa marche dans la direction des épouvantables mugissements qui devenaient de plus en plus bruyants et si éclatants qu'à chaque nouveau détour, il s'attendait à voir le monstre surgir devant lui. À la fin, il arriva dans un espace ouvert, au centre même du labyrinthe, et la hideuse créature apparut à ses yeux. Oh, mes amis, quel horrible spectacle! Sa tête seule, armée de cornes, le faisait ressembler à un taureau. Le reste de son corps rappelait à peu près la structure de cet animal, quoiqu'il marchât, contrairement aux lois de la nature, sur ses jambes de derrière. Si on le considérait d'un autre côté, c'était tout à fait une forme humaine, mais l'ensemble composait un être réellement monstrueux. Cet infâme objet de terreur était là, sans aucune espèce de compagnon, livré à une solitude complète, ne respirant que pour le mal, et incapable, comme vous pouvez le croire, de sentir le moindre attachement. Thésée, bien que frémissant de haine à sa vue, ne put se défendre d'une sorte de pitié qui ne s'affaiblit point à mesure que sa laideur se montrait davantage. La terrible bête continua à piétiner en tous sens, en proie à une rage frénétique, poussant de violents hurlements entrecoupés de cris vaguement articulés. Après avoir écouté un instant, le fils d'Égée comprit que le Minotaure déplorait en lui-même la misère et la faim qui faisaient son supplice, qu'il exprimait une aversion implacable pour toutes les créatures vivantes et son désir ardent de détruire la race humaine en la dévorant. Effroyable produit de la création! Oh, mes bons petits amis, peut-être comprendrez-vous un de ces jours, comme je le comprends en ce moment, que tout homme qui laisse pénétrer dans son cœur la pensée du mal est une espèce de Minotaure, un ennemi de ses semblables, repoussé de toute société, abject et misérable comme le monstre de la Crète. Thésée fut-il épouvanté? Point du tout, mes chers auditeurs. Quoi? Un héros d'une si haute vaillance? Le Minotaure eût-il eu 20 têtes de taureau, il fut resté inébranlable. Mais, tout intrépide qu'il fût, je crois pourtant que son grand cœur redoubla d'ardeur quand il sentit une tremblante vibration communiquée au fil de soie toujours serrée dans sa main gauche. Ariane lui transmettait tout ce qu'elle avait de force et de résolution. Le courage dont il était doué naturellement et le peu qu'elle pouvait lui en donner semblèrent, en se réunissant, doubler la puissance de son âme. S'il faut tout dire avec sincérité, ce secours ne lui était pas superflu, car alors le Minotaure, se tournant subitement, aperçut Thésée et abaissa ses cornes aiguës, comme fait un taureau furieux quand il s'apprête à fondre sur son ennemi. En même temps, il poussa un rugissement formidable, dans lequel il y avait comme des éclats de voix humaines, mais qui se brisaient et restaient inarticulés en passant par la gorge de cette bête furieuse. Thésée crut deviner les intentions du monstre, plutôt par ses mouvements que par ses cris, car les cornes du Minotaure étaient plus acérées que son intelligence n'était visible et plus menaçantes encore que sa voix. Mais voici probablement la traduction de ce qu'il voulait dire. « Ah, détestable créature humaine, je vais te transpercer de mes cornes, te lancer à 50 pieds en l'air et te broyer sous mes dents quand tu retomberas sur le sol. » « Eh bien, viens donc, essaye !» se contenta de répondre son adversaire, car il était trop magnanime pour défier un ennemi avec des paroles insolentes. Sans plus de mots et de cris de part et d'autre, commença, entre Thésée et le Minotaure, le combat le plus acharné dont le soleil ou la lune n'aient jamais été témoin. Je ne sais vraiment pas ce qui serait advenu si le monstre, dans son premier bond, n'eût manqué Thésée de l'épaisseur d'un cheveu et fracassé une de ses cornes contre le mur. À ce choc inattendu, il éclata en beuglements si épouvantables qu'une partie du labyrinthe s'écroula et que tous les habitants de la Crète prirent ce grand bruit pour une tempête d'une violence extraordinaire. Irrité par la douleur, il se mit à galoper autour de l'espace vide d'une manière si pesante et si maladroite que bien des années plus tard, Thésée ne pouvait s'empêcher d'en rire, quoiqu'il n'en eût pas envie au moment même. Après cela, les deux ennemis se regardèrent vaillamment face à face et luttèrent corne contre glaive pendant longtemps. À la fin, le Minotaure, s'élançant sur Thésée, effleure son bras gauche et le fait rouler à terre. Pensant qu'il lui a percé le cœur, il exécute une cabriole des plus hardies et, ouvrant ses mâchoires dans toute leur largeur, se prépare à trancher d'un coup de dent la tête de son adversaire abattu. Mais celui-ci se relève soudain en esquivant cette nouvelle attaque. Il brandit son glaive de toute la vigueur de son bras, atteint le taureau à l'encolure et lui fait sauter la tête à plus de 15 pieds de haut, tandis que le tronc à forme humaine retombe à plat sur le terrain. Ainsi se termina ce combat désespéré. Aussitôt la lune reprit son éclat habituel. On eût dit, en ce moment, que le monde était délivré de tous ses maux, que toutes les méchancetés et les misères auxquelles sont sujets les enfants des hommes avaient disparu pour toujours. Et Thésée, en reprenant haleine et s'appuyant sur son glaive, sentit encore une légère traction du fil de soie. Car il ne faut pas oublier d'ajouter que tout le temps qu'avait duré ce terrible assaut, il n'avait pas cessé d'en tenir l'extrémité dans sa main gauche. Empressé d'apprendre à Ariane la nouvelle de son triomphe, il suivit le fil conducteur et se retrouva bientôt à l'entrée du labyrinthe. « Tu as vaincu le monstre !» s'écria la princesse en joignant les mains. « Grâce à vous, chère Ariane, je reviens victorieux. Maintenant, il faut promptement avertir tes amis et vous rendre tous à bord de votre navire avant le point du jour. Si l'aurore te trouve dans ces lieux, mon père voudra venger le Minotaure. » Pour terminer mon histoire, les pauvres captifs furent réveillés. Ils eurent peine à croire qu'ils n'étaient pas le jouet d'un rêve, en entendant le récit de leur libérateur, qui les pressa de mettre la voile avant le lever du soleil. Ils coururent sur le bord de la mer et sautèrent à l'envi sur le pont du navire, à l'exception du prince Thésée, qui restait en arrière sur la plage, serrait affectueusement la main d'Ariane dans les siennes. « Oh, vous qui m'êtes si cher, venez, oh, venez avec nous. Vous êtes trop généreuse et trop tendre pour que je vous laisse auprès d'un père dont l'âme est aussi impitoyable. » Il ne tient pas plus à vous posséder qu'un rocher de granit ne se soucie de conserver la fleur délicate qui pousse dans ses crevasses. Mon père, le roi Égée, ma mère bien-aimée, Étra, tous les pères et toutes les mères d'Athènes, tous leurs fils et toutes leurs filles vous aimeront et vous honoreront comme une bienfaitrice. Hâtez-vous, suivez-nous, car rien ne calmera le courroux du roi Minos quand il apprendra ce que vous avez fait. Maintenant il y a de petits esprits, les soi-disant historiens de Thésée et d'Ariane, qui ont l'effronterie de raconter que cette vertueuse princesse s'enfuit, à la faveur de la nuit, avec celui dont elle avait sauvé les jours. Ils prétendent aussi que Thésée abandonna avec ingratitude Ariane sur une île déserte, où le vaisseau avait touché en retournant à Athènes. Ce noble jeune homme eût préféré 100 fois la mort plutôt que de causer la moindre souffrance à la plus faible créature. Si notre héros eût entendu ces faussetés, il aurait traité les calomniateurs comme il avait traité le Minotaure. Voici ce que répondit Ariane en lui serrant la main, puis en s'écartant d'un ou deux pas en arrière. « Non, Thésée, je ne peux suivre vos pas. Mon père est vieux, il n'a personne d'autre que moi pour l'aimer. Quelque dur que vous le croyiez, son cœur se briserait en me perdant. D'abord, le roi Minos se laissera aller à la colère, mais il pardonnera bientôt à sa fille unique, et avec le temps il se réjouira, j'en suis persuadé, de ne plus sacrifier cette jeune garçon et cette jeune fille d'Athènes à la voracité du Minotaure. J'ai sauvé votre vie, Thésée, autant pour l'amour de mon père que pour vous-même. Adieu. Que les bénédictions des dieux descendent sur vous. » Elle parla avec tant de sincérité, de noblesse et avec une modestie si convenable à son âge que Thésée se fit reprocher de la presser davantage. Il n'avait donc plus qu'à prendre affectueusement congé d'Ariane, à se rendre à bord et à mettre la voile. Une brise légère et fraîche s'éleva comme il sortait du port, et bientôt la proue du vaisseau fendit l'onde bouillonnante. Talus, l'homme de bronze, sentinelle constante de l'île, accomplissait en ce moment sa garde régulière de la côte. Les fugitifs aperçurent dans le lointain sa surface polie, qui reflétait l'éclat de la lune. Cependant, le géant s'avance comme le ferait une grande machine à ressort, sans pour cela retarder ni précipiter la marche de l'embarcation. Il arrive quand déjà les voyageurs sont hors de sa portée. Talus, néanmoins, brandit sa massue en franchissant à pas immense et mesuré les pics et les promontoires des falaises. Puis, calculant mal la distance, abat son arme dans la direction du navire. Mais le coup porta faux et il tombe lui-même de toute sa hauteur dans les flots qui engloutissent son corps gigantesque en lançant au loin d'énormes tourbillons d'écume. On eût dit une montagne de glace s'abîmant dans l'océan. C'est là qu'il a resté depuis, et quiconque désire se procurer du bronze n'a qu'à se rendre sur ce point. Au moyen d'une cloche à plongeur, il extraira autant qu'il voudra de ce métal précieux. Vous pourrez aisément vous imaginer la gaieté qui présida au retour des 14 jeunes gens. C'était des danses continuelles, excepté quand le vent, soufflant obliquement, donnait au pont une inclinaison par trop prononcée. Enfin, ils arrivèrent heureusement vu des côtes de l'Attique, leur pays natal. Mais je suis fâché de vous le dire, un événement inattendu est sur le point d'assombrir la joie générale. Vous vous souvenez que le roi Égée avait expressément recommandé à son fils de hisser des voiles blanches au lieu des voiles noires avec lesquelles il partait, dans le cas où il aurait triomphé en combattant le Minotaure. Malheureusement, Thésée oublia complètement cette recommandation. Ivre de joie, et se livrant aux danses, aux jeux et à toute espèce de réjouissance, les voyageurs ne songèrent plus aux voiles, dont ils abandonnèrent le soin aux matelots. Ils s'inquiétaient bien qu'elles fussent noires, blanches ou couleur d'arc-en-ciel, si bien que le vaisseau revenait, comme un corbeau, déployant au vent ses ailes à la teinte funèbre. Cependant, chaque jour revoyait le pauvre roi Égée, tout infirme qu'il était, se traîner au sommet d'un rocher qui dominait l'horizon, et de là, épier le retour de son fils. Il n'eut pas plus tôt distingué les voiles noires qu'il crut son enfant bien-aimé, l'héroïque héritier de sa race, dévoré par le Minotaure. Il ne put supporter l'idée de prolonger encore son existence. Après avoir lancé dans la mer sa couronne et son sceptre, objet dès lors devenu futile et méprisable à ses yeux, le vieux monarque se pencha du haut du rocher et disparut dans les flots qui ne cessaient de se briser à sa base. Je ne vous décrirai point le désespoir du prince à la nouvelle de cette catastrophe. Opposant le pied à terre, il se trouvait donc, bon gré mal gré, souverain de toute la contrée. De tels changements de fortune suffiraient pour étourdir une intelligence ordinaire. Quant à lui, obéissant à sa destinée, il envoya chercher sa tendre mère, s'inspira de sa sagesse dans les affaires de l'État, devint un monarque accompli et fut adoré de ses sujets. Ainsi s'achève Le Minotaure par Nathaniel Hawthorne.